l'hiver, dans la forêt immergée sous un manteau de neige froide et piquante. Vous avez, après un long et éprouvant voyage, rejoint votre péniche. Véronica, ta sœur, Sacha, a disparu, selon toute vraisemblance, dans cette forêt même où vous avez en commun avec Sven de nombreux souvenirs d'enfance. Même pour toi, qui es encore un jeune écolier, aussi loin que tu te plonges dans le passé, tu as souvenir d'instants. C'est fugace, ce sont des souvenirs, mais peut-être que ça revient aux quelques clichés qui ornent le tableau d'affichage près du PC de ta grande sœur dans son appart de Stockholm. De vieux clichés passés, des petites photos sur papier argentique à l'ancienne, punaisées sur le liège. Des moments d'insouciance avant la mort tragique de vos parents. Et là, c'est un peu comme si pour toi, pour vous, avec Sven, l'histoire se répétait, puisque depuis presque 2 semaines maintenant, Véronica a disparu. Elle a juste laissé punaiser au milieu des photos, au milieu de vos souvenirs communs, un petit mot laconique. On va dans la forêt quelques jours, à bientôt. On y entend presque les accents de sa voix. Mais là, c'est le léger tangage de l'esquif amarré depuis trop longtemps à la berge. La vieille péniche familiale dont les bois, même les bois intérieurs, sont en partie vermoulus. Les teintes autrefois chatoyantes, encaustiquées régulièrement par votre défunte mère, repeintes pour les boiseries extérieures, le bastingage, le plat-bord par votre père en plein été, au moment riant où vous jouiez dans la forêt. Tout ça est empoussiéré, noyé par une distance de temps. Mis à distance, mis entre parenthèses. Il n'y a pas de nombreux hôtels dans le coin. C'est certes une région qui a son cachet, que certains parcourent gaillardement pour du trekking, pour s'esbaudir sur la beauté de la nature, mais vous êtes de purs citoyens de la cité, de votre temps. Et en 2020, en cet hiver 2020, alors que le monde semble courir à sa perte et où les menaces de conflits ne cessent de se multiplier, comme ces nouvelles récentes provenant d'Asie où la Chine a finalement tombé le masque et décidé de dépasser ses frontières de république populaire pour annexer l'ancien Tonkin, cette vieille puissance coloniale, et l'agréger à son empire. Les temps sont troubles, Et il n'est pas rare que vos contemporains, vos concitoyens se risquent jusque dans ces terres un peu oubliées, un peu déshéritées du Nordland, pour se distraire de ce qui peut préoccuper les uns et les autres. Le Vietnam n'est plus. Vive la Chine populaire. Il y a des troubles chez le grand voisin, cet ours, la grande Russie. La grande Russie de Poutine n'en finit pas de se mourir et le vieil ogre russe, en son sein, a forgé ses propres despotes et aussi ses assassins. Des vagues d'attentats de groupes sécessionnistes qui se revendiquent de mouvements islamistes, mais aussi des mouvances à l'extrême de la droite qui revendiquent la Grande Russie, un mouvement appelé Néo-Russia, qui a menacé ces derniers temps la capitale et a même fait quelques morts, une grande explosion aux limites de Moscou, des victimes directes. Et on a parlé de gaz, d'attaque au gaz sur la capitale. On a parlé de nuages toxiques comme dans les années 80 du siècle dernier, tant dire au temps des dinosaures. Quoi, 86, 87, une histoire de Tchernobyl qui se répéterait. Bref, vous n'êtes pas là pour cela. Vous êtes là pour retrouver votre sœur, votre amie Véronica, dans ce vieux rafio qui lui aussi semble près de sombrer. Ce qu'a pu exhumer Pell du moteur de recherche des consultations bien informées sur le Dark Web, de ses recherches approfondies d'experts informatiques, il ressort que Véronica s'est intéressée de près dans des salons flashback, mais aussi sur YouTube, sur le Dark Web, un peu partout. Elle s'est documentée sur le folklore local du Grotzmerharden, cette belle forêt, et notamment de légendes autour de noyés, d'enfants noyés qui seraient revenus. Ah bon? Dans les enfants noyés? Oui, c'est ce qu'a exhumé P.E. A montré quelques images des clichés qui datent du début du siècle dernier, des vieilles photos gravures de la région alors à proprement arriérée, des gens avec des costumes traditionnels qui vivaient dans la forêt de l'exploitation de celle-ci, des gens pauvres qui connurent des temps extrêmement durs au tout début du siècle, au moment où la Russie des Tsars était ébranlée par la première révolution, la Suède a connu, c'est surprenant, des vagues de famine dans ses régions les plus reculées, telles le Nordland. des gamins faméliques et après que l'on eût signalé leur disparition, on les a retrouvés peu après déambulant dans la campagne et on voit l'un de ces clichés, sur l'un de ces clichés, sur l'une de ces planches contact, un gamin regard hagard, perdu loin au-delà de l'objectif du photographe. Bon, le cliché est de mauvaise qualité, tout piqueté, c'est sur du verre, c'est une mauvaise captation en partie pixelisée dès lors qu'on essaye de voir un peu plus de détails, mais ce qui choque c'est son aspect famélique. Et on l'aurait retrouvé errant dans la campagne alors qu'il avait été considéré qu'il s'était noyé dans le vaste complexe de tourbières au nord de la mine. C'est là-dessus que Véronica échangeait avec ses potes les Korbach, les gothiques avec lesquels elle est partie il y a 2 semaines maintenant, jusqu'ici, là où vous trouvez. Est-ce qu'on connaît certains de ces Korbach ? Oui, il y en a un qui a le même prénom que toi, donc t'es pas prêt de l'oublier. Celui-là, Sven, un grand gaillard tout maigre, qui jure être la réincarnation de Louride. Il a fini par mourir, hein, le chanteur du Velvet, mais qui trouve pas la voix ou l'inspiration qui donna ses lettres de noblesse à Héroïne. Le tube interplanétaire du Velvet Underground. Toujours est-il que ce grand gaillard traîne depuis longtemps avec Véronica. Il a été un moment qu'il soupçonne d'avoir été l'un de ses amours passagers. Il y a un petit gaillard, un autre, lui. Il n'a pas tous les atours du gothique, on l'appelle Canto. Son nom c'est Kantorovic Albert. Il est toujours fourré avec Sven et joue de l'orgue. De la basse assez mal dans leur groupe confidentiel qui sévit dans les clubs de Stockholm. Enfin, ils jouent essentiellement l'été pour peu qu'il y ait quelque chose à boire à la clé. Ensuite, il y a Johan, un mélange entre un vampire issu des lectures d'Anne Rice, maigre, dégingandé, une espèce de crête rase comme on affectait à un moment donné les égéries de Nine Inch Nails. Enfin, il est dans cette mouvance-là, il écoute de la musique à fond. Lui, peut-être, a été aussi une amourette de Véronica, mais rien n'est moins sûr. Donc, Canto, Albert, pour les intimes, Sven, Johan. Il y en a un autre qui traîne avec eux, mais... Celui-là, il a l'air de vouloir rester avec eux. Il fait près de 2 mètres. Et il traîne avec des skins. C'est surtout pour ses accointances avec la mouvance d'extrême droite que tu as identifié au sein de la nuée d'étudiants de la fac où traîne Véronica. C'est l'après-midi, enfin la fin de l'après-midi. Vous avez mis un temps fou à arriver jusque-là. Les routes étaient certes dégagées autour de Stockholm, mais au-delà des grands axes, dès que l'on entre dans la zone forestière du Norrland, les routes se sont trouvées verglacées, il fallait rouler à une allure sénatoriale en se méfiant des congères et de l'aquaplaning. Véhicule avait du mal à progresser sitôt que vous êtes entré dans la petite bourgade où se trouve l'office des forêts. Vous avez eu confirmation en arrivant là-bas que oui, ils avaient bien vu la petite bande. Quand tu leur as décrit, ils ont bien confirmé. Ils se souviennent surtout du grand échalas que tu supposes être un fasciste, un néo-fasciste. Ce qui les a inquiétés, c'est qu'il avait l'air de se trimballer avec... Lorsqu'il est sorti de la voiture, et ils l'ont vu remiser une batte de baseball. Et c'est pas vraiment des gens recommandables qui se trimballent avec ça. Ça avait marqué le garde forestier et sa collègue. Gudrun, elle l'a remis aussitôt. Et quand il s'est agi de les retrouver, ils se sont dit que, à n'en pas manquer, les quelques résidents à l'année du coin les auraient remarqués. Les Olivorius, pareil, ça passe pas inaperçu. Bon, ils ont demandé à la police de Knorrkoping d'ouvrir une enquête dès votre signalement. L'enquête est ouverte et ils ont eu, vous avez confirmation, ils ont eu reçu la visite de la police qui est venue interroger le garde forestier et sa collègue. Donc une enquête est ouverte, mais pour l'instant, aucune piste. Ils sont même allés interroger un groupe de chasseurs Sami qui a l'habitude de traîner là jusqu'à la fin de ce qu'on appelle l'automne, mais qui n'en est pas un. Et ils les ont absolument pas vus. Est-ce que tu as embarqué avec toi Pelle ou tu l'as laissé assez recherche? Tu l'as embarqué avec toi? Non, c'est plus lui qui a voulu que... C'est lui qui était partant? En fait, lui, il est un peu désorienté sur la péniche, il a pas le pied marin, bien qu'on soit pas en mer. Hein. On est sur la berge, amarré depuis belle lurette, et il y a belle lurette que le moteur ne fonctionne plus. Mais le peu de courant fait en sorte de rappeler qu'on est à bord d'une péniche. Et puis à l'intérieur, il règne une humidité froide, glaciale. La chaudière n'a pas fonctionné depuis longtemps. Vous lancez la chaudière, je suppose. Bah moi non, je continue de discuter du jeu qui m'a installé avec... Avec Pelle. Mmh. Ouais, mais Pelle, il dit, mais ici, tu sais, tu trouveras pas de Pokémon, hein, gars. Il y en a pas, hein. C'est même pas sur leur carte, si t'en trouves un... Dis-toi que le Pokémon qu'on cherche est ta sœur, d'accord? D'accord. Il ressemble à quoi? Il est niveau combien? Il a quoi comme capacité? Capacité à nous faire parcourir des kilomètres pour rien, ça, je sais pas quelle est l'échelle dans ton jeu, mais ça doit être top moumoute, hein. De quoi elle a... Gabriel? Oui? Je vais te demander de lancer un D4, s'il te plaît. Quatre. Tu vas lancer maintenant un D6, s'il te plaît. Est-ce que toi, tu te préoccupes de la chaudière, Zen? Oui. Tu trouves dans la partie qui servait autrefois aux frettes avant que la péniche ne soit convertie en péniche de plaisance, donc la partie la plus large et qui est une espèce de réserve de bric-à-brac, juste à côté de la chaufferie, de la chaudière qui alimentait... qui est une prolongation du gros moteur diesel de la péniche. Tu trouves de quoi alimenter la chaudière, des jerrycans tout poussiéreux, certes, mais il y a des traces de doigts dessus, tu remarques tout de suite ça a été manipulé récemment sur l'un des bidons. La poignée est exempte du mazout qui souille les autres poignées. Il y a une douzaine de jerrycans, de quoi tenir une petite semaine compte tenu du grand froid qui s'annonce. Là, on est au beau milieu du mois de décembre et dans le Nordland il fait pas chaud. T'as souvenir d'un hiver où tu t'y es rendu avec la famille, mais la plupart du temps vous y alliez en été, mais tu te souviens que ici les températures descendent très très bas. Et la proximité du réseau de lacs et de marécages à l'orée de laquelle vous vous trouvez doit renforcer encore l'impression de froid. Le froid subjectif doit être accru par l'humidité, et là l'humidité imprègne les lieux. Lorsque tu démarres le groupe électrogène qui alimente l'ensemble de la péniche, il loquette quelques temps et finit par ronronner, mais tu sens tout de suite refluer une partie de cette froideur collante due à l'humidité qui retombe déjà en cette fin d'après-midi. La luminosité n'a pas encore commencé à décliner. Vous avez peut-être le temps de vaquer un peu, aller chercher du bois. Il y a un poêle à bois aussi dans la pièce principale. Donc vous pourriez aller couper du bois éventuellement. Tu as vu un abri à bois non loin de la jetée. Une espèce de petit bûcher abrité sous des tôles. Est-ce que tu te risques au dehors pour te ménager une réserve de bois? C'est toi qui coupes le bois ou tu demandes à Pellet si... Je demande à Pellet s'il colle aussi. D'accord. Ouais. Il n'y a qu'une hache, mais c'est une bonne chose que de se relayer. Ça évite que vous n'ayez attrapé des ampoules trop vite. Hein. C'est physique et... Il a le coup de main. D'un coup sec, il débite des petits... du petit bois pour alimenter le poêle. Vous repartez avec votre panier chacun sous le bois, plein de petites bûchettes. T'es en train de jouer à l'intérieur, il fait bon à l'intérieur, une chaleur maintenant agréable qui rassure par rapport au froid du dehors. On voit des volutes de brume qui ne se sont pas dissipées depuis le matin, qui stagnent sur les étendues d'eau qui voisinent la péniche. Loin devant, on n'a pas l'impression qu'on est au bord du lac, on a l'impression que devant s'offre une espèce de grande étendue herbue, mais c'est une fausse impression, ce sont les méandres du marécage. Et tu te souviens que, gamin, plus jeune, t'allais en barque avec Véronica et tes parents et Sven déambuler dans les îlots qui bordent la berge. Des îlots que l'on soupçonne pas comme tels, mais qui sont juste les collines que tu aperçois. Ce sont les îlots, alors que le reste n'est pas vraiment... Le lac encore, c'est juste une vaste tourbière. Mais les terrains, même si c'est le Norland, même si c'est une zone un peu déshéritée de la Suède, qui a réussi sa conversion économique au 2.0, c'est une zone où il faut quand même avoir les reins assez solides pour acheter des terrains au bord de l'eau. Un cabanon, ça vaut une fortune. Vous aviez pas cette richesse dans la famille. Vous aviez juste de quoi vous payer une vieille péniche qui n'avait plus d'intérêt et qui a été remorquée jusque-là et qui servait de villégiature à la famille au temps de sa fortune. Pelle, fatigué, s'avachit dans un vieux fauteuil hors d'âge, un fauteuil à l'anglaise, au cuir élimé, tout passé. Et vous avez prévu quoi à manger, là ? Dit-il en mangeant puisant dans un paquet de chips qu'il avait entamé dans la voiture. Il est installé confortablement. Bah tiens, il en reste un peu, tu peux en prendre. Oui. Ah, c'était une blague, c'est le dernier. Oh. Ah, vous avez prévu quoi à bouffer ? Rien. Moi, j'ai rien emporté. Hein. À part des chips. Pour ma part, j'ai pris un peu de la viande faisandée, puis du saumon fumé. Donc c'est toi qui t'active, qui sort la vaisselle, c'est toi le maître des lieux. On peut considérer que Chacha est trop préoccupé par ses Pokémon pour... Oh, il a évolué, ouais. Et tu déambules, maintenant il fait une chaleur agréable, Comme à l'accoutumée, dans ton appartement de Stockholm, tu déambules pieds nus. Hein, parce que les chaussons, ça fait vieux con. Puis t'as même pas pensé à porter des chaussons, t'as pris chaussures de rando parce que on va dans la forêt, donc t'as ressorti les vieilles chaussures de rando, tu les as essayées brièvement avant de partir quand même, par acquis de conscience. Bon, elles sont encore à ta taille, mais t'as un petit peu grandi les pieds quand même, ça rentre, mais avec des chaussettes d'été, hein. Pas avec les chaussettes de rando. Bon, toi, t'as des bottes. Pour jouer. Ah, des bottes de ski, hein, parce que là, il y a de la neige, hein, partout. Il y a facilement un mètre de poudreuse partout et il neige régulièrement. On fait une bataille de neige ? Tu peux aller faire une bataille de neige avec tes Pokémon si tu veux. Mais. Ah non, t'as coupé le bois, toi ? Bah oui, j'en ai un peu coupé. Regarde, j'ai arraché cette branche. Ouais. Donc Zen, tu déambules pour préparer les assiettes. T'as eu du mal à te souvenir où étaient ces foutus verres parmi tous les placards que compte l'habitacle transformé en cuisine. L'ancienne cabine de pilotage de la péniche est devenue la cuisine d'été du havre familial. Et soudain, une vive douleur. Tu lances un des deux, s'il te plaît. Donc c'est D4. 1, 2, 1. 3, 4. 1. Donc, tu marches sur un truc qui te fait atrocement mal. Tu t'éloignes en clopinant sur un pied C'est quoi là, tu t'effondres dans le canapé. T'as une griffe d'ours plantée dans le pied. Tu as perdu un point de résistance. Alors, lorsque vous êtes arrivé à la péniche, vous avez trouvé la porte close, fermée, à clé, barrée, un cadenas, enfin, comme il est coutume pour la péniche, pour que personne ne vienne s'emparer du bien. Certains, les gens du cru, probablement, ne ferment pas leur maisonnée, mais Véronica et toute la famille, vous êtes ancrés dans vos habitudes de citadins. Hein, à Stockholm, quand même, si on fait confiance en son prochain, on ferme au moins à clé quand on part longtemps. Et là, vous n'y êtes pas venu depuis l'été. Depuis l'été, personne n'est entré dans la péniche, sauf Véronica et ses potes, ils sont arrivés et manifestement ils y sont entrés ou ils y ont quelqu'un y est entré. Alors, comment vous envisagez les recherches par la suite? Qu'est-ce que tu as prévu, Zen? Étant donné qu'il y a des références à des enfants noyés, ce serait de continuer à... Continuer les recherches qu'elle avait amenées? Continuer au niveau du lac. Je pense qu'ils ne se sont pas trop écartés du lac. Donc t'envisages dès le lendemain d'aller... Puis tout ce qui peut en ressortir après, c'est essayer de trouver les maisons des gens du cru, qui sont sur les bords des lacs, parce que logiquement, il y a de fortes chances que qu'il les ait vus passer. C'est peut-être un Magikarp sauvage qui a évolué en Ivantor et qui les a mangés. Mais bah ça peut être vrai. Hein. Ah peut-être ouais, mais je sais pas si on parle Magikarp sauvage. Non, je pense que c'est un Léviator. Je parle pas Léviator. Bah c'est simple, tu lances une Pokéball et voilà, c'est fini. Il s'éloigne vers la resserre et revient en maugréant. Putain, ils ont descendu toutes les boutanches, les salopios. Ah, ils sont venus là, hein. Ils ont descendu quoi? Bah, y a plus rien, ils ont bu, il reste plus que de la bière, mais j'aime pas la bière, moi. Mais quoi comme bière? De la bière danoise. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Je sais pas, il y a des bouteilles de... Ils ont descendu les bouteilles de... C'est écrit... Cacolac. C'est quoi du cacolac? C'est un truc français. Ah, ça a l'air d'être un soda, mais il y en a plus, ils ont tout descendu. Hein. Je pense que... Il n'y a rien d'étrange? D'étrange... Pas des traces de mains bizarroïdes? Non, il n'y a pas de traces de... Il n'y a pas de traces de bouche de Léviator? Non, il n'y a pas de traces. Tiens, tu veux voir? Non, effectivement. Non, il n'y a pas de traces de Pokémon. Il y a juste des bouteilles si vides qui Attends. Sont alignées. Oh, il y a un mystère sur la bouteille. Ah, je vais l'attraper. Enfin, je fais ça avec mon téléphone. Mais... Ah, c'est le code barre qui a dû déclencher ça, mais tu risques de pas en trouver. Je serais toi, je sortirais pas mon téléphone trop... Trop dehors, on sait pas, il risque de faire bien froid pour ton matériel là. On t'intéresse bien l'emmailloter, pas te balader tout le temps avec. Hein. Et puis, on sait pas, on voit pas dans la neige. Moi, je me souviens quand j'étais gamin que j'allais chez mon oncle, le risque c'est de marcher comme ça dans la poudreuse. T'as l'impression que t'es sur le chemin, t'as quitté le chemin, t'es au milieu du champ, et puis tu te manges un obstacle sans t'en rendre compte, mais au travers de la poudreuse. Alors, c'est pas drôle quoi. Bon, puisqu'il n'y en a à boire que de l'eau, j'espère qu'ils n'ont pas descendu la réserve d'eau. Il va vers l'arrière, là où se trouve la réserve. Il tape sur un grand réservoir grillagé. Et effectivement, ça sonne plein. Ils n'ont pas attaqué la réserve. Et quand vous l'avez déclenché... Il y a un moteur qui ronronne, un moteur auxiliaire. Ça doit pomper ou filtrer l'eau. Il y a un son en plus qui habite la péniche désormais. Un des nombreux moteurs qui tourne à partir du moteur maître qui mouvait autrefois la péniche. Les gars, je pense qu'on n'est pas seuls. Ah bah non, hein, il doit y avoir des rats dans la cale. Non, il y a un Magikarp ici, regarde. Arrête avec tes Magikarp. Mais c'est vrai, il y en a un, regarde sur mon téléphone. Ouais, mais tu vas pas aller le chercher maintenant. C'est l'heure d'aller se coucher, allez. C'est l'heure pour les braves, au lit. Mais... On t'a pas dit qu'il fallait se coucher tôt quand on a une grande journée à faire? On va marcher demain. Maintenant, demain, on va attraper des Pokémon. Non, Sven, il a dit qu'on allait chercher ta sœur demain. On va marcher le long de la berge. D'accord? Parce que là, c'est pas déneigé. En voiture, pas aimé, hein. On risque d'avoir des soucis. Hein. Où est-ce que je dors? Tu dors sur l'un des lits. Tu vas prendre ton lit. Moi, je dormirai sur le canapé. Toi, tu vas dormir dans ton lit. Non, sur le canapé, chez moi. Bon, si tu veux, tu dors sur le canapé et je prends ton lit, alors. D'accord. T'es aux anges, Sven. Quoi? Il disait qu'il était aux anges, comme il prenait le lit. Moi, j'aime bien le canapé. Ouais, les ressorts sont passés. ils doivent être tout rouillés à l'intérieur et tu peines à trouver une position qui t'arrache pas quelques douleurs dans ton petit corps, mais tu finis par trouver une position propice au sommeil. Tu écoutes les bruits de la péniche de la nuit. Qu'est-ce que tu as prévu pour... qu'est-ce que tu as amené dans le coffre de ta voiture pour mener l'expédition en dehors de tes chaussures de... Les cartes des environs. Et nous sommes... Donc la forêt où on parle des noyers, c'est ici. Mais là, c'est la mer ou c'est la terre? Là, c'est les lacs. C'est les grands lacs. Mais ça veut dire qu'on va devoir passer par... L'intérieur des terres. Vous avez au moins une rivière à franchir. Si, ils sont allés... La rivière, on peut la traverser avec notre péniche. Non, là il faudrait. Elle est hors d'usage en plus. Il faudrait contourner toute la. De quoi elle est hors d'usage ? Elle est neutralisée, oui. Elle est plus faite pour naviguer. Elle a juste un moteur de secours, mais elle n'est plus. C'est plus une péniche de navigation, c'est une péniche d'habitation. Donc elle a juste son moteur de secours qui est fonctionnel. Et ça, c'est vérifié tous les étés par le garde forestier. Ça fait partie de ses tâches à accomplir. Il doit s'assurer que les plaisanciers puissent quitter en cas d'incendie la berge pour ne pas propager le feu à la tourbière environnante. Parce que ça brûle bien et longtemps. Et ça endommagerait la nature. C'est leur rôle de préserver la nature. Et donc, il s'assure par des inspections inopinées chaque été du bon entretien de la péniche. Ça fait partie des incontournables de vos visites estivales. Le premier point, c'est de s'assurer que le moteur marche. D'ordinaire, vous faites appel à un garagiste du bled voisin qui vient et qui s'assure de la bonne mécanique. Donc, le moteur tourne. Les seuls couacs, ça peut venir des intempéries qui auraient endommagé les circuits ou de la vermine qui, dans un grand rafio comme ça, peut s'installer. Surtout quand on ne l'occupe pas en permanence. Donc il y a toute une série de tapettes à souris, de pièges à rats et à ragondins autour de la péniche pour éviter que les bestioles ne rentrent. D'ailleurs, les grillages qu'il y a sur les plats-bords n'ont pas été entamés. Je dis ça par rapport à la griffe d'ours que tu t'es plantée en guise d'écharpe dans le pied. Donc c'est posé volontairement. En tout cas, l'ours n'est pas entré en faisant sauter le grillage de protection. Il y a des grillages face à chaque ouverture pour éviter que la vermine n'entre par les huisseries et par les hublots le long du plat-bord. C'est pas insurmontable, hein. Vous avez une vingtaine de kilomètres à parcourir pour arriver à la forêt. Ben on y va en voiture, sinon. Alors le problème, oui, mais Pelleux l'a déjà dit, la voiture en plein cœur de décembre, c'est à oublier. Hein. Les routes ici, elles ne sont pas déneigées, il n'y a pas de sableuse qui passe tous les jours pour dégager la route. Hein. Il faut avoir des véhicules tout terrain. Bon, cela dit, Véronica, elle a un gros pick-up dernier cri, un pick-up japonais qu'elle s'est acheté avec l'argent de l'assurance. Mais vous, vous n'avez pas ça, vous avez une petite voiture de ville. Alors, vous avez les bons pneus, elle est équipée des bons pneus. Elle peut rouler sur les routes principales, mais pas sur les routes vicinales, les routes forestières qui parcourent la réserve. Vous êtes dans une réserve, là. Norland, c'est une zone agricole, mais surtout une réserve naturelle. C'est le paradis des ornithologues. Mais je crois que les ornithologues, ils s'occupaient que des ornithorynques. Non, ils s'occupent de tous les oiseaux. Ah. Ils étudient le comportement des oiseaux. Et dans cette zone, il y a de nombreux oiseaux migrateurs qui viennent l'été venu. C'est pour ça, donc. Faudrait qu'on passe. Parlez-en de table. On passerait de là à là. Alors, là, c'est une zone forestière. Le Sandag, c'est une forêt. Diglanta. Diglanta, c'est aussi une forêt. Tu vois, ça, c'est des massifs forestiers, ça. Mais là où ils sont, c'est dans le... A priori, c'est dans le Grand Myrtle. Donc, on peut passer... coupe par là, on passe dans le petit massif. Ah ben non, il s'arrête là. On va jusqu'au Screval. Non, le mieux c'est de faire Zandtag, Gamouchette. On va remonter jusqu'au Gamouchette avec votre péniche. Bah, si on peut. Là, vous avez qu'un moteur de secours, donc vous pouvez pas faire de longue distance comme ça. Vous pouvez le faire à pied en revanche. Oui, mais le truc c'est, est-ce qu'on sera à la péniche, enfin, est-ce qu'on pourra revenir à la péniche le soir? Bah, ça vous fait 20 km. Donc il y a une partie que vous pouvez faire en voiture jusqu'à l'entrée de la. Vous pouvez aller en voiture jusqu'à l'entrée de la réserve ornithologique du Col Mila. Et là, après, vous traversez la réserve, c'est du terrain plat en plus, et vous remontez jusqu'à la forêt. Ça vous fait qu'une petite marche de 5 km, c'est envisageable. Le problème, c'est qu'on soit par les lacs. Je pense que s'ils sont partis avec leurs idées de messe noire, c'est que... ils ont quelque chose de... Donc la forêt donne sur un grand lac. Oui, mais... Ça, c'est... Ce sont les berges d'un lac. Qui nous dit qu'ils y sont vraiment arrivés? Si ça se trouve, ils sont arrivés en route. En route. Et donc, le chemin le plus probable, c'est qu'ils aient pris les lacs au maximum. Ouais, ça me semble logique. Mais pourquoi les lacs? Pour l'histoire des noyers qu'on a vu dans le moteur de recherche? Oui, je pense que c'est ça. Ok. Pourquoi reviendrait-il ici, sinon? Oh bah, avec les olibrius avec lesquels elle traîne, hein. Je sais pas, moi. Hein. Peut-être n'importe quoi. Il y avait d'autres trucs suspects que t'as vu dans son historique? Bah, dans son historique, là, les trucs récents, ça tournait... tout tournait autour de cette forêt, et puis... après, j'ai pas lu tout ce qu'elle a... Parce qu'elle a déblatéré des kilotonnes de messages avec des tas d'émoticônes, machin, bidule, les trucs. J'ai pas lu jusqu'au bout, quoi. J'ai survolé. Est-ce que... Tu l'as encore en mémoire ou tu peux encore le filmer? Je l'ai sur mon PC, je sais pas si on a du réseau ici. Hein. Parce que... moi j'ai du réseau avec mon téléphone. Ouais, mais pas. Mais pour ton petit truc là, ça marche par intermittence. Là, moi j'ai besoin de repasser par des points relais. Il me faut une connexion stable hein, pour que ma bécane elle tourne. C'est une bécane? C'est une moto? Ouais, c'est comme une moto. C'est une moto pour aller jusqu'au dark web. Hein. On va dans les profondeurs du web. Là où c'est tout noir. Ça fait peur. Bah ouais, c'est pour ça qu'il y a que les grands qui vont. Ok. jamais à ce truc, machin truc. Bah ouais, bah, je t'ai pas proposé d'y aller, hein, note. Bah déjà, moi, je veux même pas toucher à cet ordinateur. Donc, Roche, qu'est-ce... Tu veux lire les, ces messages? Oui, je veux lire. C'est un peu la seule, le seul moyen de, voir, de se faire une idée sur l'endroit où elle aurait pu aller. Mmh. Donc vous passez du temps, alors les, en plus les résolutions, y a, c'est du texte chambre noire, le texte sur fond noir ou monochrome vert qui arrache bien les yeux. C'est en étant en écran réduit, ça change la résolution en changeant la résolution pour le rendre plus lisible. C'est ça devient pénible à lire. Donc vous lisez une bonne partie d'un premier salon sur flashback où elle échange avec l'espèce de celui que finit par comprendre que c'est le grand échalas qui a des idées nauséeuses et son pseudo c'est Totenkopf. Il n'a pas été cherché bien loin. Outre qu'il signe Sieghail à chaque fois, ce qui était pénible à lire, il évoque le fait que là-bas, il y aurait des gens du vrai peuple. C'est un des courants de pensée qui a eu son temps pendant la Seconde Guerre mondiale, aux heures noires de la Suède, lorsqu'elle était menacée entre plusieurs fronts. Et lorsqu'il s'est agi de rallier ou protéger la Finlande de ses voisins gourmands et des histoires de compromission avec le Troisième Reich, un temps sombre de l'histoire de la Suède, du Royaume de Suède. Et elle réagit notamment en référence. Elle a pas l'air elle répond pas du tout directement aux élucubrations de Totenkopf. En revanche, elle l'interroge sur ses sources, etc. Et il a fini par lui renvoyer un site. Et ce site, c'est un site cabalistique. L'herboriste noir. Et ça renvoie à des séries de found footage, des films de mauvaise qualité à la projet Blair Witch, où on ne sait pas si c'est un fake ou un film tourné en temps réel. Ça confine au snuff movie. Le premier que vous voyez est absolument ignoble. C'est une scène de meurtre macabre dans une forêt. Une femme poursuivie par une meute d'hommes habillés à la manière des ancêtres scandinaves, mais ce qui finit par détourner le propos, c'est qu'on voit sur un plan une botte qui a ménagé les pieds de l'un des acteurs, mais en dehors de cela, tout semble atrocement réel. Donc un site qui est sur le dark web de Snuff Movie et le point, l'image ou celui qu'elle a visionné à plusieurs reprises, c'est quelque chose qui te tilte. Tu vas me faire un test de logique. Donc c'est avec le D10. Donc c'est sous... logique. Tu me dis quel est ton résultat. On joue entre nous en transparence. C'est une relance parce que c'est raté. Donc ça te tilte. Tu te souviens que vous y avez été avec Véronica Mais tu sais plus avec qui t'étais. T'étais avec quelqu'un d'autre. Mais tu sais plus qui c'était. Si c'était un des cousins de Véronica. Elle a deux cousins qui sont à peu près du même âge, avec qui à un moment vous traîniez et que t'as perdu de vue. Ou si c'était avec Chacha. Tu sais plus trop. Mais c'est un grand massif. Un grand massif boisé. De grandes essences, des pins majestueux, et le tout ceinturé comme une couronne par de grands bouleaux. Et donc ça donne un aspect fantastique quand on le voit dans la brume, ce bois, parce que on a cette ceinture de bouleaux, des troncs étroits et blancs, qui se dessine, se profile sur la masse sombre de la pinède qui couronne le monticule. Et donc, le snuff movie, ou le docu qu'a visionné Véronica, c'est... On y voit un gars revêtu, on le voit un moment... parce que la caméra change d'angle, on le voit brièvement le visage, tu as vu le film à plusieurs reprises, une fois que tu as reconnu le lieu. Il a des espèces d'andouillés, de bois d'orignal fixés au visage, fixés sur la tête, noués dans sa chevelure. Il a les cheveux longs, une espèce de barbe attardée, un hippie quelconque. Barbe fournie, un teint buriné par les intempéries, un gars qui vit au dehors, ça pourrait être un des pêcheurs que t'as déjà vu, mais sans être sûr, quoi, ils se ressemblent tous pour toi. Et un gars qui vit au dehors, et il avance et on entend un gamin qui pleurniche. Je veux pas aller dans le froid. Non, je veux pas y aller. Non, je veux pas y aller. Et tout le long, il chiale. Il répond pas, il le brusque, il le tire, il le mène à l'intérieur du bois, et graduellement la visibilité diminue. On est au crépuscule, et une fois rentré dans la forêt, c'est juste des visions fugitives, des troncs qui reflètent les étoiles, la lune par des trouées. Mais c'est presque illisible, ce film. C'est du noir sur du noir, des nuances de soulage. Et on finit par entendre le gamin hurler, pleurer, le gamin qui était traîné par la main. Et on le voit suspendu à un tronc par une corde. La corde est coupée, le gamin tombe dans une étendue d'eau. Et le film s'arrête. Sur un plan fixe qui filme la mare. Cet endroit, tu es capable de le retrouver. Il serait où ? La couronne, c'est ici. Donc ça, tu es capable d'y aller, effectivement, avec... Tu peux t'arrêter, comme je le suggérais, à l'entrée du col Mila. Et après, vous avez 5 km de marche, pas plus. Okay. Une fois que vous êtes entré dans la réserve forestière, vous avez au moins 2 km de marche dans une forêt de bouleaux. Enfin, c'est une espèce de tourbière forêt. La taïga, telle qu'elle se présente ici, c'est une zone où où sont autorisés à chasser quelques samus. Les samis qui ont interrogé les flics. Et comment... Il y a d'autres conversations qui sont... Alors, dans les autres salons, elle a discuté avec Kanto et l'autre, mais il parlait plus de concerts qui devraient se faire, etc. Quel type de concert ? Des concerts d'un groupe qui s'appelle Alien Sex Fiend. Alien Sex Fiend. Il y a des infos sur ce groupe ? Ah bah, en surfant sur le net, ouais, c'est un groupe des années 80, la mouvance des Ozo, qui sévit encore, d'origine israélienne. Enfin, les deux membres du groupe, le cœur historique du groupe, c'est ces deux Israéliens qui ont donné dans le punk goth dans les années 80 avec un côté rituel à la Christian Death, mais en plus radical encore. Et la mouvance qui est autour parle de rites sataniques, etc., qui serait le fait des femmes. Après, le gars a vécu et est reparti. Il a vécu une partie, le chanteur, d'après la bio, il a vécu longtemps à Londres, puis à Paris. On perd sa trace pendant quelques années. On le retrouve dans une colonie de Cisjordanie où il essaye de faire remonter sur les planches. Il a pondu un mini album et il est revenu ensuite au cœur de l'Europe. Et il y a une annonce comme quoi il va sortir bientôt le nouvel album de réunion du groupe 20 ans après. Après, est-ce que dans le film on voit qui 30 a ans coupé après, la... Non, 40 ans après, c'est des dinosaures. Il a quel âge? Il a 60 ans, ce mec. T'as du mal à imaginer, vu les photos couvertes de maquillage, etc., comment un papy de 60 ans peut se livrer à ce genre de contorsion sur scène. Il est tout maigre, accro à l'héroïne au dernier degré. Et en cherchant dans sa bio, t'as trouvé aussi des manchettes de journaux qui parlaient de son addiction, d'arrestation, de séjour en tôle, pour détention et trafic. Après, dans le film que t'as décrit, est-ce qu'on voit qui coupe la corde ? Non, c'est hors champ. On voit juste la corde tomber ? La corde est suspendue au tronc d'un arbre, ça fait un axe, il est pendu, le gamin, il s'agite, et la corde lâche, le gamin tombe dans l'eau noire, ou du moins qui reflétait partiellement les étoiles et la lune, et après, plan fixe sur l'eau qui est immobile, des bulles qui remontent à la surface, qui viennent crever la surface, puis plus de bulles. Fin du film. Et comment, sur le chat, en dehors de... Il n'y a pas d'autres mentions en dehors du groupe Alors, en dehors de ça, elle a été documentée sur les attentats qui ont eu lieu à Moscou. Et est-ce que... Elle a été, non pas... elle a été sur... Les agences officielles de la propagande poutinienne, ça n'a pas de problème. Ça, c'est pas dans le dark web. En revanche, elle a été sur le site de Néo-Russia. Qu'est-ce qu'il en disait ? Il revendique avoir lâché un gaz qui permettra l'avènement d'une force nouvelle, un renouvellement de la nation, revenir aux vraies valeurs. Et qui permettra d'oublier tous les errements dans lesquels se sont fourvoyés tant de générations. Bon, c'est une longue diatribe, c'est le communiqué adressé par les terroristes directement au ministère de l'Intérieur russe, qu'elle a été récupérée. Et ça dénote d'un certain qu'elle a récupéré. Par l'entremise de ce salon, c'est du sensible, quoi. C'est pas du canal C'est pas du fait divers. Elle a commenté le fait ou pas? Pelle a lâché un. Oh putain, ça craint leur truc. C'est des tarés. Va me dire qu'est-ce qui est le moins. Tu parles pas de ma sœur comme ça. Mais je parle pas de ta sœur, Toto. Je parle des tarés qui ont balancé un missile et qui ont largué un gaz sur la Russie. Est-ce qu'il est... Et puis c'est pas si loin que ça, Moscou, hein. Avec les vents, qui nous dit qu'on va pas écoper de leur putain de gaz On nous dit pas tout, hein. On nous cache des choses. Il va s'arrêter à la frontière. Ouais, ouais, ouais, comme dans les années 80 avec Tchernobyl. Bah ouais. Moi, j'y crois très fort. Ils vont nous sortir des communiqués du genre, hein. Bah, j'en ai entendu, moi... Sur la chaîne d'info, Black Blatt, ils en parlent, hein. Ils en parlaient, disons que il n'y avait aucun risque, que le nombre de victimes était exagéré, qu'il n'y avait que 120 victimes pour... 120 ? Mais c'est déjà beaucoup ! Oui, mais à l'échelle de la Russie, c'est une goutte d'eau. Sauf que, à mon avis, si on en croit ce que dit ces Olibrius, c'est bien plus grave qu'il y paraît. Hein. Donc, il y a des commentaires après Totenkopf, dans ce fil de discussion, qui dit que il a le regret de le reconnaître, mais eux, ils ont le courage de leurs opinions. Et eux, ils œuvrent pour un réel progrès que l'histoire cesse d'adonner. Que bientôt, les légions 666 déferleront sur l'Europe. Et elle fait des commentaires sur le fait ou pas? Elle répond pas à Totenkopf, mais dans le fil, elle pose que des questions. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles? Qu'est-ce qu'il faut croire? Est-ce que le nuage s'est bien arrêté là où ils disent? Donc les réponses sont négatives. Non, non, on déplore de nombreuses victimes. Il y a des gens qui errent. Hagard, frappé d'hébétude, d'amnésie. On parle de missile Alexandre II qui aurait été... c'est pas une attaque isolée dans le métro, une redite de ce qu'avaient fait les Tchétchènes, contrairement à ce que disent les médias officiels, c'est quelque chose de beaucoup plus organisé. Toute une série d'explosions de missiles entre... une force armée paramilitaire. Est-ce qu'elle était enthousiaste à ce qu'il se passe? Est-ce qu'il... Non, inquiète. Inquiète. Enfin, du moins, c'est que des questionnements et elle ne surenchérit pas dans le forum. C'est un forum plutôt complotiste avec plutôt des gens de la même opinion que Totenkopf. Et les autres. Comment ceux qui, par exemple, parlaient du groupe de métal, est-ce qu'ils sont sur... le groupe de Wave? Ouais. Et les deux, Kanto et... Est-ce qu'ils commentent le fait? Ils sont intéressés aussi. Ils sont goguenards. Ils disent, ça leur fera les pieds au Ruskov. Enfin, ça a occupé Poutine, il va plus nous faire chier avec son gaz pourri. Gazprom, Onyouf, Poutine, ce genre de réflexion, à l'emporte-pièce, ça n'a rien construit. En revanche, Kanto et Sven, Louride, c'est son nom de réseau, Louride, bien sûr. Et c'est quoi son vrai prénom ? Sven. Louride, c'est un chanteur du XXe siècle. Il y a encore d'autres salons ou c'est tout? Rien de notable, du moins. Du moins, dans ce que tu as la patience de lire, il y a bien des fois où le ton. L'ensemble te semble, comment dire, nauséeux, glauque. Donc on parle sur quelle théorie? Mais t'as dit que ce qu'on a regardé en premier, là, ces films Zarbi de Taré, c'est la bonne piste. Je la vois mal s'être barrée en Russie sans nous prévenir en disant qu'elle allait se promener dans les bois. Peut-être que le gaz est passé sur eux. Et commence à entrer dans notre endroit. En tout cas, c'est sûr, c'est pas un coup de ligue. Quoi ? Moi, j'ai pas pris de masque à gaz, hein. J'ai pas de... C'est quoi contre les trucs nocifs ? C'est... Si, ah ouais, c'est les pilules d'iode. Faudra aller à l'épicerie pour acheter des pilules d'iode pour se protéger. Tu sors un masque à gaz de la réserve. Pas de 40, mais c'est il y en a deux. Mais c'est les actuels, les deux En tout cas, c'est sûr, c'est pas un coup de Léviator. Ah bon, t'es sûr? Ouais. Ouais, ça me rassure, hein, parce que Léviator, ça me ferait méga plus flipper que de me prendre un gaz sarin sur la tronche. Hein. En plus, Léviator, il a l'attaque hydrocanon. Ah bon? Heureusement, c'est pas lui, alors. Bah, tu devrais pas te coucher, toi ? Si, mais j'arrive pas à dormir. Tu vas pas faire des cauchemars ? Non. T'es sûr ? C'est plus oui. Ce genre de choses actuellement. Enfin, mais il y a des réserves qui datent de... Dans la réserve, tu trouves effectivement des masques à gaz à diverses tailles, y compris pour des gamins. Ouais, celui-là, tu peux le mettre, Xavier. Non mais je t'assure. Oui, je sais. Moi, il commence à être trop petit pour moi. Donc... Tu me l'as fait essayer une fois. Donc on part en expédition demain dans la forêt avec... on s'équipe de masques à gaz des fois que... On les met pas avant qu'on ait dépassé le parc, enfin qu'on ait dépassé les dernières habitations. Faut ouais. Pas apeurer là. La population, ouais. Ouais. Mais... On prend ça, on va faire un tour à l'épicerie pour acheter des pilules d'iode, non ? Des fois que... Bon, j'ai plus beaucoup de couronne, t'en as, toi ? Oui. T'as du flash ? Ok, bah alors tu nous achèteras de l'iode. Et il nous faudrait comment... chacun un canif ou quelque chose pour nous défendre dans le cas où... C'est quoi un canif ? Un petit couteau. Mais... tu vas te faire mal, toi, avec un petit couteau. Non, Oui, mais si, mais je te rappelle que j'ai trouvé ça. Il sort une batte de baseball, écoutez. Ils sont passés par là. Bah, on a déjà ça. Ne touche pas trop, ça peut être une preuve pour la police. Bah, trop tard. J'ai foutu mes paluches dessus, donc c'est moi qui vont soupçonner maintenant. Bah, jette-la par la fenêtre. Ah bah, dans ce cas-là, c'est dissimulation de preuve. Je risque encore plus. Non, bah, on va peut-être pas le dire aux flics. Pour l'instant, ils enquêtent. Ils font une enquête de voisinage, de routine. On peut peut-être, faire ça de façon plus sérieuse en allant dans les secrets de Véronica, non ? Crois pas ? Si. Alors, t'es d'accord ? On n'en parle pas de notre découverte ? Oui. On garde ça pour nous ? Oui, mais au bout d'un moment, il va falloir le dire, hein. Et dire qu'en fait, tu l'as pris... J'espère qu'on n'aura pas besoin de le dire. Hein ? La vérité va bientôt sortir quand même, hein. C'est qui a allumé la radio ? C'est au deuxième étage. Thank you. Bah, c'est pas la radio. Ouais, putain, c'est un virus, son message, il revient sans arrêt à l'orée de mes... hein ? Qu'est-ce qu'il a mis ? C'était pas le but. Bon, je nettoie tout ça parce que... Et puis j'ai quasiment plus de batterie et le réseau électrique, là... Ma batterie, elle a pas l'air d'aimer, hein. Ça recharge pas, à chaque fois, ça attaque la cellule. On a déjà nos infos, mais je me risquerai pas à le mettre en charge ici. On peut peut-être rester un petit peu à l'épicerie pour recharger mon portable. S'ils peuvent, oui. On passera une petite heure le temps que ça charge. Et moi aussi, j'ai besoin de recharger le mien. Ouais, toi tu peux te mettre sur le groupe électrogène. Hein, non, on va éviter de tenter. Ok. Bon, bah on fera une halte à la fin de Copette. Des fois qu'ils auraient trifouillé au réseau électrique, comme ils sont passés par là, c'est sûr. Puis il y a le rive d'ours. Ouais. C'est juste une grève danse. Mais qui dit qu'avec leur rite néo-païen démoniaque, ce soit pas... Tu crois que ça participerait de ça ? Bah dans le Panthéon, il y a bien une référence aux sources. Il rouvre son portable. Des recherches. Il parle de magie runique, mais ça a l'air d'être de cercles néo-païens, ouais. Les ch'tarbés du genre de ceux qui circulent sur les réseaux. C'est quoi au niveau des runes ? C'est des runes de force. La force de la terre. T'es sûr que t'es pas en train de jouer à un jeu, là ? Ah non, je joue pas, moi. Non, je joue pas, moi, je suis un gars sérieux. Ouais, j'étudie des vieux manuscrits des premiers colons. Et elle, vous avez... En cours, vous avez pas vu des choses en lien avec ça ? Bah non, on parle des manuscrits des premiers colons de la région, d'accord, mais... Ça n'a rien à voir avec le début du XXe siècle ou la fin du XIXe. Et qu'est-ce qui est dit sur le chiffre ? C'est pas son domaine d'étude, en tout cas. Il y a bien des rituels, j'ai lu ça par endroits, ils disent que l'une des croyances médiévales de nos aïeux, c'était que si on était mort des eaux, on revenait parmi les vivants ou un truc comme ça, quoi. Ouais, c'est des histoires de bonnes femmes, quoi. Certes, mais Je suis sûr qu'il y a, il y a quelque chose derrière. Regarde les enfants noyés, ça correspond. Ouais, ça a l'air de coller. Mais pourquoi irait-on noyer un enfant pour le faire revenir d'entre les morts? Il était vivant avant. Le phénomène de sacrifice, peut-être. Ouais. Justement, en lien avec les néo-païens, la force de la terre et de l'eau. Tu crois que Véronica, elle serait allée jusqu'à à suivre ce genre de... Peut-être qu'elle essaye d'en apprendre plus et qu'elle traîne avec ces gens simplement dans le but d'en apprendre plus sur les... Et pour aller peut-être le dire à la police à la fin ? Je ne pense pas. Ce dernier point, non. Tu ne te vantes pas d'aller sur le dark web. Je connais ma sœur. Des fois, elle fait des trucs bizarres, hein. Elle est bizarre, ma sœur. Peut-être. Moi, j'aurais tendance à croire Chacha. Hein. De ce point de vue-là, je pense que Chacha a raison. Que si elle fricote avec ce genre de gens, c'est pour dénoncer leurs agissements, pas pour partager quoi que ce soit avec eux, vraiment. Je pense pas. Hein. C'est pour partager. Elle fait des trucs bizarres, mais je pense pas qu'elle va partager avec eux, qu'elle va essayer d'être amie avec eux et qu'elle est avec leurs propos. Je pense pas du tout, moi. Après, je peux me tromper, je la connais pas beaucoup. Encore, elle a sa vie. Moi, je suis un peu plus éloignée, en plus, je suis à l'internat. Reste que... C'est... À mes yeux. Il referme son portable. Reste qu'à mes yeux, si elle se rapproche de Ségus, c'est plus pour fouiller le sujet, parce qu'elle a un intérêt certain pour la chose. Oui, ça me semble, quoique elle fricotait vachement avec Louride, là. Et Totokopf. Mais je comprends. Non, là, je suis jamais allé dans ces petits papiers à ce point-là. Hein. Moi, je la connaissais pas comme ça. Mais moi, c'est ma prof. Hein. Toi, tu la connais mieux que moi. Peut-être qu'elle étudiait ça pour vous faire un cours bientôt dessus, pour vous méfier de ce genre de personnes. Ah, peut-être, mais tu vois, c'est même pas... Elle choisit pas les cours qu'elle fait, c'est ce que lui donne Borg, uniquement. Peut-être que Borg est dans l'histoire. Ouais, ça m'étonnerait. T'avais dit qu'il était vénère. Ah, il a été vénère après elle parce qu'elle a pas tenu son engagement, qu'il a dû bosser, le bougre. Il est pas habitué. Mais il va sûrement s'il est collé sur un sujet qu'il connaît pas. Voilà. Je pense plutôt qu'il va lui refourguer un truc que lui en a marre de faire. Bon, c'était déjà le cas, mais un truc encore plus tordu, ou alors à moins d'étudiants, et voilà. Voire ne pas lui filer de. Quoique. Les recherches, lui, ça l'intéresse. Ce qu'il saoule, c'est les cours magistraux. Donc, les cours avec des débutants. Les cours avec des thésards, oui, ça n'a pas de problème. Des cours en chair, oui, des conférences. Après, tout le monde est suspect, même moi. Ouais. Toi aussi. Moi, je suis suspect. Bah oui, tout le monde est suspect. C'est moi qui ai été fourgué des virus volontairement dans son ordinateur pour me les récupérer après sur le mien. Il va falloir des heures pour tout nettoyer là-dessus. C'est possible, mais c'est toujours possible que ce soit toi aussi. Ouais. On n'est jamais sûr. C'est ça. Bah, moi, en tout cas, si on doit marcher 15 bornes demain, j'ai besoin de dormir. Alors, je te propose de rejoindre ton canapé, de faire un petit somme. Ah, bon, d'accord. Allez, je vais sur le canapé. Et je m'installe dans le lit. Ah, c'est bien plus confortable que le lit, hein. Que le lit est bien plus confortable que le canapé, au demeurant. Oui, et je prends ma... Et puis, en plus, c'est une couchette, c'est une ancienne couchette. Alors, t'as l'impression d'être dans un sous-marin qui... Vas-y, prends le mien. Les mers. Prends le mien, je suis sur le canapé. Et puis... Ah ben, c'est cool, non? La couchette. En plus, j'ai ma peluche de Poussifée, mon Pokémon préféré. Non, c'est bon, le canapé, ça m'ira. Là, c'est pas moi qui conduis, c'est toi. Hein. C'est toi qui as conduit depuis Stockholm, et demain, tu vas encore devoir conduire, en plus dans la neige. Alors, t'as intérêt d'être d'aplomb, hein. J'ai pas envie de me planter dans un trou et d'attendre les secours. Surtout si les secours, c'est les gendarmes. Ah oui, d'autant plus, ouais. Mais tu connais des gens qui seraient néo-fascistes ou néo-païens dans le lycée ou, enfin, À la fac, bah, le seul que je connaisse, c'est Total Cop. On enquêtera demain, maintenant. Après, on peut pas dire que Borg soit le plus socialiste des profs, hein. Il a des idées bien à droite, c'est clair. Ah bon ? Ouais, y a eu des histoires comme quoi son père aurait été membre de l'ordre nouveau ou quelque chose comme ça. L'ordre nouveau, tu veux dire le Neue Ordnung ? Mmh. Leur connerie de d'union des races européennes. Il aurait fait partie de la SS. La Totenkopf, justement. Y avait une légion suédoise. C'était pas la légion viking, hein. T'es. C'est celle qui est partie sur le front de l'Est aussi. Bah ouais, et ça nous ferait le lien avec la Russie. Mmh. Et avec les tarés de Néo-Russia. Mais je vois pas toujours ce que vient faire cette griffe d'ours et cette batte avec des pics. La batte, c'est le chala qui l'a pris dans Totenkopf. Ouais, ça, c'est quand même c'est une espèce de proto-skin. Hein. Il va casser. Il va de temps en temps. J'ai entendu parler à un moment, il a été absent, mais il a été interrogé copieusement par la police de Stockholm parce qu'il aurait participé à une ratonnade dans un foyer de migrants. Et la griffe, qu'est-ce qu'elle vient faire là ? Un incendie criminel. Mais là, il a été disculpé. Mais à la lumière de ce qu'on a découvert, qui sait ce qui s'est réellement tramé, hein ? J'en sais rien. En tout cas, c'est pas une voie blanche, c'est sûr. Et la griffe ? La griffe, ça pourrait s'approcher à des mythes païens. C'est le plus probable. Bah. Il y a une inscription en vieux norrois, c'est pas du suédois, c'est du norvégien. L'ours qui pleure. Ah. On dit que les noyés auraient qui ont la force de la terre sont les ours qui pleurent. Les enfants ours qui pleurent. L'enfant... Attends, non. J'ai zappé quelque chose. L'enfant ours gris qui pleure. Dormir. Ouais, c'est ça. Faites vos rêves. Je sais pas si c'est trop quoi en penser. Enfin. De quoi tu parles ? Ben, je sais pas trop quoi en penser de ce que tu racontes, c'est tout. Je suggère quand même que t'ailles te coucher une heure raisonnable pour que tu joues les chauffeurs demain de façon efficace et que, encore une fois, on s'enneige pas dans un trou paumé au fin fond du Norland. On dit qu'il y a des choses bizarres autant qu'étranges qui érodent par ici. Enfin, c'est encore des histoires de bonnes femmes, ça. Je sais pas si on peut tout ceci. Moi, j'ai fait voler en galifin, le galifin a volé je sais plus. Je comprends pas tout ce que tu dis, hein, mais ça doit être vrai. Pourquoi? crucifeu, il est volé en galifeu, qui est volé en bras égalé. Voilà. Ensuite, ah, c'est encore tes histoires de Pokémon. Ensuite, il évolue en méga bras égalé. Après, il y a aussi un Pokémon qui s'appelle... Ah, il y a des trucs plus cool, hein. Tu devrais te mettre à Magic. Hein. Non. Ah, c'est un peu plus évolué. Le graphisme des cartes, ça déchire un peu plus que les graphismes de tes monstres à tous attraper. Ils sont mignons. Ils sont puissants, certains. Comme Latios, qui méga évolue en méga Latios. Et il est méga fort, méga Latios. Il a Dracosouffle, Dracogriffe. Et il a aussi Vibra-Soin. Ça lui permet de se régénérer en plein combat sans utiliser de potions. Vous finissez par vous endormir. Un sommeil assez profond. Parce que au dehors, il n'y a que l'hiver, la neige. Le froid qui ne parvient pas à gagner l'habitacle où vous êtes réfugié. L'habitacle où règne une bonne chaleur, une agréable chaleur qui vous préserve vos sommeils respectifs. Chacha, tu fais pas d'autres rêves que de charmants Pokémon qui gambadent dans les prés noyés de la réserve ornithologique. Et il y a un psychopois qui se balade, un orte littorin qui parle au psychopois. Et qu'est-ce qu'il lui raconte? Ils disent que les ornithologiques, eh ben, ils parlent même pas d'ornithorynque. C'est pas juste, ça parle que des oiseaux. Et ensuite, il y a des Pokémon type vol qui viennent et qui les mettent KO. Et je trouve une super boule et je les attrape. Les Pokémon type vol. Avec Latios. Et Poussifou. Et Galifou. Et Brasigali. Ah bah ça fait beaucoup de monde. Et toi, Sven, c'est un sommeil sans rêve ou quelque chose sur rien? Sans rêve. Au matin, la campagne est noyée sous la neige qui est tombée pendant toute la nuit, une neige qui s'est amoncelée épaisse sur les chemins. Je regarde par la fenêtre du truc et je vois beaucoup de neige. Je dis, et zut, il pleut de la neige. Il a plu de la neige cette nuit. Et je remets ma tête dans mon oreiller en tenant ma peluche de Pokémon. Une fois que vous êtes prêt, vous avez déjeuné. Avec ce qu'il y avait en stock dans la réserve. Il y a vos céréales favorites, remisées pour l'été. Il y a du lait non périmé, mais pas très loin de la date de péremption. À 2-3 jours près, ça devrait le faire, a dit Paul. En tout cas, il a noyé ses céréales dedans et les a engouffrées goulûment. Il faut un certain temps pour déneiger la voiture, ôter la glace, libérer les chaînes, vous charger votre petit matériel, donc les masques à gaz. Vous pouvez noter dans et possession masque à gaz. Qu'est-ce que vous prenez d'autre avec vous? Moi, je prends ma peluche de Pokéball, mais je la garde dans mes... Et dans tes bras? Oui. Bah, tu notes ce que tu emportes. Donc, pour repère, vous aurez noté péniche. Qu'est-ce que vous emportez d'autre? La batte, le masque à gaz, la carte. Et aussi mon téléphone. Le saumon fumé. Du saumon fumé. T'en as dans le... T'as fait redémarrer le congélateur, t'en avais déposé dedans. Donc tu peux prendre des plaques de saumon fumé, de quoi vous nourrir toute la journée. Et des gourdes? Il n'y a pas de gourdes. En revanche, vous pouvez utiliser les bouteilles. Les bouteilles qu'ont laissées les autres. Ouais. Vous les rincez, puis... Moi, j'avais pris un sac à dos au tout début, où il y avait justement ma peluche et une gourde. D'accord, toi, t'as une gourde. J'étais remplie de... D'orangeade, et t'as tout bu? Non. De... Sirop de... Du sirop. Du sirop d'orge? Non, de grenade. De grenadine? Oui. Enfin, de la grenadine. T'as une petite gourde. Et il m'en reste quand même. Donc vous recapsulez quelques bouteilles et vous prenez de l'eau dedans ou tu t'embarrasses pas de ça? Non. D'accord. Rappelle-le, lui, se fait deux bouteilles comme ça, qu'il met dans l'espèce de vieux sac, vieille musette, qui trimballe à la fac. Hey, t'as vu ma peluche de poussifeu? Ouais, avec ça, on va faire peur aux tarés qui hantent les bois. En plus, il peut évoluer, regarde. Tchou, tchou, tchou, tchou. Et donc vous partez, vous rejoignez la non sans peine l'épicerie. Ça vous fait faire un petit détour de 3 km. Et je montre aux personnes qui sont dans l'épicerie ma peluche de poussifeu. Hey, regardez, j'ai une super peluche de poussifeu. Ah ouais. J'en vois pas souvent des peluches comme ça, mon petit, te dit le vieux monsieur. Mais c'est rudement chouette, hein. On fait des choses superbes de nos jours. Et je vais le montrer aux autres personnes qui sont dans le... T'as vu, il y a même des cartes à collectionner de ton jeu, là. Oui, je sais, j'ai toutes les cartes. T'as toutes les cartes? Je suis sûr qu'il y a des cartes que tu n'as pas dans ce mystère. Ah si, j'en ai pas une, c'est la carte de Mega Brasigali, X. Moi, je sens qu'elle est dedans. Et ça coûte que 120 couronnes. Désolé. On peut l'acheter. S'il te plaît. Bon, allez. Moi, je te donne 100 couronnes. Si Sven est d'accord pour lâcher 20 couronnes, tu l'as, ton blister de 5 cartes. Sven, s'il te plaît. Bon. Mais c'est la seule fois, là. Oui. Et donc, t'achètes le blister et dedans... Tu ouvres avec envie le sachet. Tu sors la première carte. Et là, tu vois deux personnes toutes nues qui sont au bord d'un lac. C'est dégoûtant, cette carte Pokémon. C'est vraiment des cartes Pokémon, là, que tu lui as... Il a ouvert le sachet Pokémon. l'a déchiré, le petit blister si familier à toute une série de générations. C'était même la dernière génération de Pokémon. Et dedans, il sort... c'est une photo instantanée, comment ça s'appelle ? Un Polaroid. Et sur le Polaroid, c'est un couple qui est totalement dévêtu dans ce beau royaume où on ne fait pas de gorge chaude pour ce genre de choses. Ça fut un temps où on appelait avoir un esprit sain dans un corps sain. Et je regarde ce qui est pas si lointain. Je regarde le reste et... Sur la photo suivante, ils rentrent dans l'eau et ils se bécotent. Troisième photo. Quatrième photo, ils nagent l'un à côté de l'autre. On les voit sourire l'un à l'autre. C'est de belles photos, mais en noir et blanc. Et il n'y a pas de Pokémon. Non. Et... la dernière photo, on voit simplement un rond à la surface. Et il y a une main comme ça, qui émerge de l'eau. Je redonne les photos et je dis « Monsieur, vous me redonnez mon argent parce que c'est pas des cartes Pokémon. » Il reprend « Ah bah... » Moi, j'y suis pour rien, je t'ai vendu, tu vois, c'était dans un étui Pokémon. Il faut que tu t'adresses à, c'est quoi, Nintendo. Tu vois, c'est au Japon. Ah, moi, j'y suis pour rien, hein. Et puis, il s'est même pas compatible avec ma DS. Ah bah, ça, je veux bien te croire, c'est pas vraiment pour des gamins de ton âge, ça. Je suis bien désolé. Alors, je peux t'offrir en compensation... une bonne sucette, tiens. Ouais. Et je la remets dans mon sac. Je la garde pour tout à l'heure. Eh ben voilà. Voilà, je suis content, j'ai fait un heureux. Par contre, c'est dégoûtant les photos. Oui, bah... si tu veux, je les mets de côté, hein. Ok. Comme ça, tu les verras plus. Et puis c'est oublié, t'as une bonne sucette. Hein. Ouais. 120 couronnes, une sucette. Pardon ? Ouais. Et je joue avec mon poussifeu et je vous mets la vie. Vous aurez profité pour recharger ton téléphone et l'ordinateur portable de Pelle. Tu vas le poser sur le petit. Là où il y a tous les trucs où tu passes à ton frère qui va faire sur le petit meuble ou à côté de la litière. Merci. Vous quittez bientôt. L'épicerie et vous repartez dans cette matinée brumeuse. Vous traversez des paysages changeants, d'abord des forêts claires de hêtres et de bouleaux qui se clairsèment de plus en plus et laissent apercevoir à quelques distances de petits chalets isolés au cœur du Norland, noyés dans la brume. Et puis, le chemin sinueux le long de la berge, une berge tout enneigée, où vous avez peine à deviner le cours de l'eau, en partie gelée à certains endroits, tout entier recouvert de neige, comme si une route sinuait aux côtés de la vôtre, où peine votre petite voiture hybride. Et bientôt, vous sillonnez la grande étendue, cette espèce de désert immense d'une blancheur quasi immaculée, seul par endroits de brefs taches, fugitives taches des arbres qui émergent encore sous la neige qui est tombée la nuit durant. Et on voit cette personne ou pas ? Tous les arbres sont ensevelis sous des monticules de neige. Il y avait un oiseau qui était sous la neige. Non, mais il y a une multitude de traces qui viennent griffer par endroits le manteau blanc, des traces de passage d'animaux, de chouettes qui s'est emparée d'un campanule égaré. D'un petit rongeur. Peut-être n'était-ce pas un mulot, peut-être était-ce un petit renard d'eau. Peut-être que c'était un Pokémon et que c'était un Roucou qui attaquait le Pokémon. Peut-être. Là, tu as maintenant ton téléphone est rechargé. Eh bien, tu as plus du tout de réseau. Vous arrivez dans une zone blanche, aussi blanche en onde qu'elle est immaculée et couverte de neige. Seule la nature a droit de cité ici. Elle règne en maîtresse absolue. Bah, une froide étendue de neige, un désert Je range mon immense. Téléphone dans mon sac et je prends ma peluche et je la câline. Et vous arrivez sur le pont qui enjambe le petit cours d'eau gelé que vous avez suivi à un moment donné. Et après l'abri de bois qui protège le pont et maintient cet endroit à l'abri de la neige mais pas du verglas, vous installez la voiture, vous abandonnez la voiture sur un petit parking pour poursuivre votre marche, arriver à pied d'œuvre et gravir, traverser la forêt aux ours. Et j'avais gardé les photos, je les donnais à... Rockmere Thorn. J'avais gardé les photos, je donnais à... Monsieur, en disant, ça ressemble franchement à l'histoire qu'on nous a racontée, mais c'est dégoûtant quand même. Je te laisse regarder. En fait, tu les as pas laissés au vieux monsieur à l'épicerie, tu les as gardés. Oui, je les avais. Mais pourquoi tu les as gardés? Je pensais que ça avait un rapport avec l'enquête. Du coup, je les ai gardés s'il y en avait besoin. Mais je les ai pas regardés trop, parce que c'est dégoûtant. La croûte de neige a eu le temps de geler en surface. Il y a des congères le long de la route qui a sans doute été déneigée quelques jours auparavant. Mais vu l'épaisseur de neige qu'il y a sur la route, vous auriez eu bien du mal avec la voiture à vous aventurer sur la sente forestière. Une sente qui gravit de façon un peu aventureuse le premier monticule en direction effectivement d'un grand massif de pins majestueux, ceinturé par une couronne de... bouleau étroit au tronc qui se noie dans la brume. Marcher dans la neige, même avec tes bottes, tes après-ski, devient vite pénible tellement la couche de neige est profonde. Ça m'arrive aux genoux. Ouais, ça t'arrive aux genoux, même au-delà. T'es obligé de marcher dans le sillage des deux grands. Et en marchant dans leurs traces, régulièrement, ton pied glisse sur la partie gelée, glissante, par endroits demi-fondue, mais qui a regelé aussitôt. Il fait un froid intense. Il règne un froid intense. Au dehors, on n'entend aucun oiseau, bien que vous soyez maintenant sous couvert des premiers arbres. Les oiseaux se sont réfugiés au chaud, loin des frimas de l'hiver de la région. Cela semble désert. Vous marchez une bonne vingtaine de minutes avant d'apercevoir des traces tout près de la route, de petites traces, des traces de pattes, celles d'un lièvre ou quelques petits animaux de cette taille. Tu as beau avoir fait beaucoup de cavales, tu en as fait très peu en hiver, et l'hiver il fait trop froid pour aller au dehors, et là t'as tes mains qui commencent à ressentir les effets du froid, tes extrémités, tes pieds et tes mains sont glacés. C'est un geste sous ta force. Enfin, test de force, donc. Obtenir un résultat inférieur. Tu as les mains gelées, tu as froid. Tu commences à tout sauter. J'appelle les autres. Sven, tu sens que le Chacha est à la traîne, il peine dans le froid. Et je toi-même, tiens. Tu es gelé, vous avez marché quoi ? Ce qui te semble une vingtaine de minutes, mais probablement que c'est plus, car vous êtes maintenant au cœur du bois, et même s'il n'y a pas de vent, c'est pas un vent intense qui soufflerait un blizzard, mais sous le couvert des arbres, c'est une froideur qui s'insinue dans le moindre repli de vos vêtements. Et je tiens fort ma peluche. L'humidité, ça... Tu peines à la retenir contre toi. Tes doigts sont gourds sous tes gants. Mais je la serre fort contre moi. Vous êtes tous les trois frigorifiés. Vous perdez l'un et l'autre, un des deux de résistance. Au moins, donc je suis à 10, yes. 1, donc tu passes à 8. Tu sens vraiment ce froid. Non, non, gomme pas le... Mets la valeur à côté. Un petit. Hop. Et réécris la valeur initiale, s'il te plaît. Et allez, tu as écrit. D'accord, t'avais pas fini d'effacer, c'est ça ? Oui, je venais juste d'effacer le tout. Vous êtes tous les trois frigorifiés, qu'est-ce que vous faites pour lutter contre le froid qui vous gagne, ainsi isolé au cœur du bois ? J'appelle... Chaque parole répand des volutes de brume tout autour de vous. un froid vraiment intense, un froid pénétrant qui s'insinue dans les moindres parcelles de votre corps. Pelle ? Oui. Oui ? Oui, Guigui. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Moi aussi. Qu'est-ce qu'on fait ? On continue ou on retourne à la voiture ? Qu'est-ce que t'en penses, Sven ? Je dirais qu'on continue. On continue, mais... Ouais, j'en peux plus, j'ai froid. On fait une halte. Je suis gelé. T'as rien pour nous réchauffer ? Bah peut-être ton ordinateur, tu le laisses allumer longtemps, il va nous réchauffer. Ça déclenche pas. C'est pas du chauffage. C'est pas un chauffe-plat ou je ne sais quoi. Les masques à gaz ? Te sert pas à grand-chose, un masque à gaz. Ah, à mon avis, si on le fait cramer, on va avoir de l'eau chaude. Oui, mais c'est pas une bonne idée. Imagine que les gaz se soient répandus. On respire normalement. Si on fait réchauffer ou on fait chauffer un peu d'eau, je vais réchauffer. Faut ramasser des. Prendre des branches. On va faire un petit feu. Un petit feu, il peut nous sauver avec Flamèche. Ah bah ouais, mais tes flamèches, elle va... Et on voit la bouche de ma peluche s'ouvrir. Mmh. Et on voit une sorte de briquet qui sort de la bouche. Ouais, bah ça va nous permettre d'allumer... T'avais un briquet, t'es pas censé avoir un briquet à ton âge, toi. Bah c'était dans la peluche, c'est pas... Ouais, bah on va pouvoir allumer un petit feu. On va se réchauffer autour du feu. Attends, je récupère une branche. Hop, c'est bon, j'en ai une. Ah, mais c'est du bois vert, ça va dégager de la fumée, ça. Ah. Et effectivement, lorsque vous parvenez enfin à embraser les branches, les brindilles que vous avez pu glaner dans les buissons alentour, dans ce qui reste du sous-bois soumis à l'hivernage, ça dégage des masses de fumée âcre. Ça ne se consume pas très très régulièrement. Ça n'a rien du feu réconfortant auprès duquel vous étiez réunis la veille au soir autour du poêle à bois dans votre péniche. Mais bon, la chaleur... Je prends la sucette et je la mets dans ma bouche. Mmh. Ça donne faim à Pelleux qui te demande si tu peux avoir un peu de saumon. Ça va tenir au corps, on va se réchauffer un peu, même si c'est froid à manger. Et je récupère d'autres branches, je les mets dans la main. De branches pour que ça se réchauffe plus. Après cette halte, et lorsque vous laissez, après avoir laissé derrière vous les restes de votre feu dans le sous-bois en bon citadin, ma sœur, elle me manque. Vous, oui, bah, c'est pour ça qu'on est là, hein, pour la retrouver, mon gars. Hein, faudrait pas que tu l'oublies, parce que moi, normalement, je devrais être au chaud dans mon amphi à suivre les cours ennuyeux de Borg, et je suis là à mes cahiers au fin fond du trou du cul du monde, dans le froid. Allez, et te hale, te tire et Vous sentez sous vous la couche de glace craquer et vous tombez tous les trois dans une espèce de crevasse. Il y a avec vous des volutes de poudreuses qui sont tombées, qui se sont engouffrées dans le trou. C'est une fosse, mais en fait, ça correspond à la toiture d'une espèce de petite cabane. Vous êtes passé au travers de ce qui restait du toit pour atterrir dans cette fosse. Il y a deux portes dans l'intérieur de l'habitacle que vous venez d'exhumer au milieu de la poudreuse. Une porte en direction de là où vous venez, une autre à l'opposé dans la direction où vous alliez. Celle qui est entr'ouverte en direction de l'endroit où vous venez donne sur une pièce qui, maintenant que le jour rentre dans le cabanon, vient éclairer des rayonnages métalliques. Ça a l'air d'être une espèce de bibliothèque. Il y a quoi comme ouvrage dedans ? Ce sont des séries de rayonnages métalliques, des clapets métalliques, tout est fermé. C'est propre, il n'y a rien au sol, rien de... L'autre porte entrouverte ne donne que sur la pénombre, vous ne voyez rien de la pièce. Métallique, c'est pas leur lieu, c'est le lieu où ils sont planqués. Il n'est pas tombé autant de neige que ça. Enfin, moi, je suis pas. Moi, je suis de la ville, mais ça m'étonnerait quand même. On aurait entendu une alerte météo, quelque chose comme ça. On n'a pas d'alerte. Grand froid, quoique on en ressente les effets. Et Pelle s'engage dans la partie où il y a les clapets. Il ouvre l'un des clapets. Puis un autre, qui retombe bruyamment. Et résonne dans la pièce qui est vide de meubles en dehors de ces clapets qui sont disséminés, qui sont disposés le long des murs et forment un U. Et à l'intérieur, il y a des livrets, des registres, des vieux registres de cuir, d'autres en tissu.